Chapitre 327. L'interdiction de l'indécence et de l'obscénité. 1734. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Le vrai croyant ne critique et ne maudit pas les autres. Il n'est ni indécent, ni obscène. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan. » 1735. Anas, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « L'indécence ne se rencontre pas dans une chose sans l'enlaidir, et la pudeur ne se rencontre pas dans une chose sans l'embellir. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan. » 1736.